Vendredi 23 décembre 2016, monte le volume et hume la différence, c'est parti, mais chérie. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Et la beauté! Et beauté, c'est mon nom Reynald! Comment de vous, la beauté? Non, je suis comme le début de l'émission, hein? C'est du bruitage ou c'est pas du bruitage? Non, mais il y en a qui l'ont pas dans la vie, puis il y en a d'autres qui ont tout pour eux, puis ils en laissent pas pour les autres. Ah! La beauté? Ma beauté? Non, commence pas ça, là. Reste sage comme une image et divulgue ton message. D'accord, j'arrive! La beauté, on l'a dit, malgré sa confusion et sa subversion, apporte toujours un message de réconciliation. Je ne sais pas si je dois expliquer ça, là. Je trouve ça très intéressant. En fait, c'est une traduction russe que j'ai moi-même mis à ma main. Donc, je la répète et j'explique pour ceux qui sont un peu égarés en ce 23 décembre. La beauté, puis il n'y en a pas beaucoup, là. Hey, les brebis égarées ne sont pas ici. Ils sont à d'autres stations radiophoniques où la commercialisation des idées se fait simplement. L'intelligence commence ici. La disque nous l'a dit. Nous sommes la radio la plus intéressante dans la section, parce qu'on vit dans des sections. Et là, c'est communautaire ou, entre guillemets, associatif. Je préfère associatif. On devrait biffer communautaire, enlever le côté communautaire. Parce que ça fait, je l'ai dit, ça fait macramé. Ça fait années 70. Excusez, c'était ma guitare. Mais ça fait... C'est plus au goût du jour, le mot communautaire. J'ai rien contre les gens qui l'utilisent encore, là. Au même titre qu'au Québec, il y a des gens qui parlent encore de la commission des alcools. Attends un peu, là. Georgette, va aller à la commission des alcools puis m'en revenir, OK? Parce que là, ça va être... C'est fermé pendant quelque temps, là. Quelque temps. Pas quelque temps. Quelque temps. C'est fermé pendant quelque temps, puis il va pas manquer d'huile, moi, là. Si je veux manger ta dinde, ma belle graisseuse. Mais c'est ça, là. Il y a des termes. On peut, pour le plaisir folklorique, répéter. Ah, c'est communautaire. On est comme nous. On est. Nous sommes communautaires. Comme Réginal le disait. Non, c'est pas Réginal, c'est qui? C'est Réal. On connaît pas. Réal. On sait pas comment ça se prononce, cette affaire-là. Récrémeuse dans le fond mot, là. Ça donne une idée, hein? Surtout le 23, là, tu dis. On se prépare, hein? OK? On a encore quelques jours pour se mettre en bouche et surtout restituer certains termes, certains. L'élématopée. Par exemple. Non, mais il faut expliquer un peu le concept, là. Hein? Bon. Donc, un peu comme une certaine langue que je ne peux pas divulguer ce soir, puisqu'on va me traiter de traiteur d'ignorance. Puis moi, je les maltraite. Les ignorants, moi, je les maltraite. Un peu comme mon cheveu sauvage. Sur cette cime que l'on appelle tête, la mienne, pas celle des autres. La celle des autres, je m'intéresse surtout quand, tu sais, la belle noire, là. Oh, ma noire. Il y a quelque chose, là, hein? Une chevelure intense, puis quelque chose de doux, de doux, de doux, de doux, de doux, là. Doux, doux, doux, doux, doux, doux, doux. Mais, qu'est-ce qu'il voulait dire, donc? Intense. Constance, trans. On est en trans, trans, trans, trans, trans. Transylvania. Vania! Vania! Vania, as-tu le communautaire en main? Oui, t'as le communautaire. Pour moi, c'est ça le communautaire. C'est archaïque. Alors, les unes qu'on doit apprendre, on est le 23. Dans les jours qui suivront le 23, pas le 22, qui suivront. Après 23, c'est 24, 25, 26, 27, 28, 29. Plus on va approcher, là, ça va être 29. Il y a comme à bord d'un avion, des gens qui ont le mal de mer, le malomètre mal placé, parce que il y a des constitutions qu'on. À la naissance, le malomètre n'est pas toujours placé au bon endroit. Normalement, pour une personne bien constituée, tu es une belle personne. C'est cohérent le thème, et Rance Rénaldienne aussi. La disque l'a prouvé en lui offrant à ma station de radio une mention, un trophée pour son travail extraordinaire qu'elle amène dans le réseau underground de Québec, de la province, de la ville, du pays, de notre pays, du Québec. C'est nous, pour la troisième année, qui avons raflé ce prix. J'étais un peu intimidé et timide de vous en parler avant. Là, je me dis, le 23 décembre, il faut se cracher le morceau, là. Il faut... Moi, je me crache le morceau tout seul, puis je me le reprends après. Là. Tu sais, c'est une communion personnelle, une sorte de l'obstination. Là, il y a plus de personnes qui nous écoutent aujourd'hui, là, puis la semaine prochaine, puis l'autre après. Parce qu'il y en a qui ont la chance d'avoir des vacances. Je connais pas ça, moi, le mot vacances. Sauf au mois de fin juin, début juillet. Vacances. Je connais ça, là, mais très, très concentré. On te dit, hey, toi, t'es un con. Centré. Donc, on va te laisser juste 2 semaines à te déconcentrer. C'est ça, les vacances, c'est de nous déconcentrer du quotidien. Annuel. C'est de nous dire, vous êtes quand même des humains, là. On va vous laisser 2 semaines de décompression pour les syndiqués, peut-être 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines. Je connaissais des gens, je les connais plus parce qu'on se voit plus, là, mais je les connais, je les ai connus, mais maintenant, ils sont sans doute morts de leur belle mort. Et ces gens-là, syndiqués, une belle encore. Compagnie, pas parce que le travail était intéressant, mais belle compagnie dans le sens que t'es dans le graisseux, là, tu sais, t'es dans quelque chose de bien huilé, là, pour pas trop travailler puis jouir de la vie. C'est ça, la vie, c'est, hein, jouir de la vie, c'est pas jouir de la mort. La mort, tu jouais plus, ben peut-être, il y a peut-être quelque chose, là, entre les, je sais pas, tu sais, un palier, là, quand tu procèdes à l'enclenchement, là. C'est intéressant de se demander, est-ce qu'il y a une jouissance? Oui, pour les vivants, on se dit, ah, écoute, hey, ah, non, il est délivré. Il est délivré. Ben oui, c'est sûr que quand tu souffres, t'es malade, c'est une délivrance, la mort. Et quand t'es en santé et que tu la vois pas venir, je sais pas si c'est une délivrance, là. Dans la souffrance, on peut, monsieur le juge, merci de me regarder avec tes gros yeux de raton blabeur. Parce que lui, il y a des ratons blabeurs. Parce qu'il n'y a pas les moyens financiers. Vous allez dire, ouais, c'est un juge. Ouais, c'est un. Il se dit juge. Comme dit, il y a plusieurs cornichons qui se disent capitaine. Hey, c'est moi le capitaine, c'est lui le capitaine. On est deux capitaines. Je connais-tu les capitaines, hein? Babord, tribord, babord, babord, débord. Ah ouais, débord la porte, puis laisse-moi rentrer. M'a réveillé tout le quartier, là. Tu connais ma chanson? Laisse-moi rentrer juste pour une nuit. Laisse-moi les mois de l'année d'hiver. Laisse-moi rentrer. S'il te plaît. Pour les autres, ben laisse-moi dehors. Parce que il y a quand même de la salupette et de la jalupette et de la galipette à faire en été, au printemps, au début d'automne. Mais quand on descend, est-ce qu'on on dit sous le seuil de la pauvreté, pouvons-nous dire sous le seuil de la congélation? Faut-tu être congelé pour écouter Errance Rénaldienne, monsieur le juge? Ben, je te l'ai dit, c'est pas un jeu, c'est... Comme beaucoup de personnes... Allô? Oui, allô? Ça va? Oui, j'ai pesé deux pitounes à la fois. Oh! C'est une pitoune! T'es pas dans l'aisance, oui. T'es dans l'errance. L'aisance, là, tu peux jouer sur plein de parcours, mais quand t'es dans l'errance, là, tu te laisses aller. Tu te la compliques pas. Laisse venir. On attend, là. On l'a fait venir, là, mais je sais pas s'il va. Il va parcourir tout ce temps. Hey, sera-t-il là à temps? On se demande souvent ça, hein? Sera-t-il là à temps? Arrivera-t-il avant? On sait pas. On souhaite, mais on sait pas. Et là, j'aimerais, parce que là, c'était rien ce qui s'est passé avant, là. Je le surnommais mon cercueil à deux roues et c'est lui qui s'incinéra. Mais non, faut pas... Ah non, c'est vrai. Hey, madame, coupez-moi ça. Parce que c'est pas là que je voulais le dire. C'est pendant ma période cinéma. Parce que pendant ce moment-là, je tiens à vous dire que c'est pas normal. Normal. Qu'est-ce que la normalité? C'est ce que la majorité des gens font. Bon, ça, je le. Mais, je me réponds moi-même. C'est merveilleux, hein? Une bonne main d'applaudissements. Bravo! Bravo, mes fans. Fais-le pas trop souvent. Bravo! Bravo! Amamelo! Les fêtes, c'est là, hein? Ouais, la fallacie! Fallacie, fallacieux, fala. Ah, il y a une chanson, attendez, là, que j'ai réécoutée pendant que je faisais des recettes. C'est des chansons grivoises ou à caractère explicite. À cette heure-là, il peut avoir des enfants. Là. Je sais, vous allez me dire, le malade. Il est minuit 15. Crois-tu qu'il y a des enfants qui nous écoutent? Le 23 décembre, ouais. Pas d'école, là. Il y en a qui écoutent la radio au lieu d'écouter la télévision. Parce que on écoute la radio, mais beaucoup de personnes écoutent aussi la télévision. Ils la regardent pas, ils l'écoutent. C'est un bruit de fond. Surtout pour les publicités qui sont plus élevées. Là, dites à tous les canaux de diffusion. Comment ça, vos publicités sont plus élevées que mon télé roman? La batracienne est en train de descendre à la recherche de son temps velu. Elle était dans le velu. Elle était sublime dans le velu. Faudrait, bientôt, en 2017, il ne reste pas grand temps, redonner la chance au velu autant qu'on devrait y moins discuter du communautaire puis placer associatif. Parce qu'il faut s'associer à l'humanité pour la faire grandir. Il faut s'associer à l'humanité pour la faire grandir, sinon elle risque de sombrer dans son propre nombril. Hey, se passe-tu quelque chose ce soir, là, hein? Il se passe-tu quelque chose ce soir avec le blanc le dérisoire, avec un bon poteau rosoir, avec des guines à ben à voir, avec des petites talons à voir, avec des petites tapouettes à voir, avec des petites tapouettes à voir, avec des petites tapouettes à voir, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh, wouh. Veux-tu faire tomber toute la balustrade, Madame Thibodeau qui se tient après le réverbère, là? Il n'y en a plus d'allumeurs de réverbère en Angleterre. Au début décembre, le dernier allumeur de réverbère a rendu l'ombre. Le folklore londonien a pris une débarque. Les touristes ne pourront plus voir ce monsieur qui, comme à la belle époque, allumait et éteignait les feux. Alors, pour le dernier allumeur de réverbères de Londres, nous allons lui consacrer, et à la radio c'est très long, 15 secondes de silence. 15 secondes de silence. Ça, c'est après la réverbération, là. Donc, on peut commencer maintenant. Et nous sommes revenus. Ben, je me suis endormi sous mes paupières closes. Sur mes paupières closes, ouvre-moi les yeux pour l'amour des cieux. Et si tu es là pour le dernier jour, je te dirai encore, je t'aime, mon amour. Et si par mépris tu regardes l'autre, je saurai bien me reposer. Et si par la suite tu m'oublies et vite, je ne pourrai plus jamais m'endormir. Et si pour un jour dans ma courte vie tu regardes l'autre plus longuement aujourd'hui. Il faut se le dire que le temps passe et que lorsque l'on trépasse, c'est pour la dernière fois. Et si la loi me dit de marcher vers là, tu verras, l'ami, je n'irai pas pour faire plaisir à la bonne colline, comment ça va, les amis? Et ça, c'est le sens de s'arrêter, hein? C'est le sens de dire couper! Comme le réalisateur. Pour être un réal, parce que dans le milieu, on ne dit pas réalisateur, on dit réal. Réal, c'est réal Tremblay? Non, réal, dans le sens de réalisateur, mais... première syllabe. Ré. Pourquoi on devrait dire ré? Alors le ré. Ré. Le ré. Où est le ré? Après le mi. Avant le do. Le ré. Non, mais le ré. Le ré, celui qui ré. Celui qui ré. Qui ré quoi? Qui recule, qui ré, qui régresse. Quand tu fais un film, veux-tu faire affaire avec un gars qui régresse? Au contraire, on veut avoir des futuristes. Des gens qui vont nous amener ailleurs, comme le film de Metropolis de Fritz Lang. Ou sortir un peu des sentiers battus. Comme Orson Welles avec Citizen Kane, qui ne rafla aucun prix. Qui a été un bid total pour mon ami Orson Welles. Et j'ai dit, moi, après ça, écoute, c'est la guerre des mondes, là, ils peuvent pas comprendre. Grand homme de la radio. Grand homme de la radio. Hein? Grand homme de la radio. Je sais pas, j'ai... Et je tiens à dire à mon chirurgien, pourquoi m'as-tu planté une langue de vipère? Depuis ce temps-là, on dirait que j'attrape des mouches. OK. Elle vient de me souffler. Elle me soufflait dans le tympan. Elle m'a dit, c'est pas une langue de vipère qu'on t'a placée. Rapproche-toi. C'est une langue de grenouille. Alors, il faut enchaîner sur la chanson La Grenouille. Ah non, il faut pas La Grenouille à la radio. Mais non, je la connais même pas. Je connais que Là, on vient de me dire que on a eu le générique, on a eu l'improvisation. Maintenant, pourquoi pas pour nous relaxer le tympan, une chanson. lèche, pas de blues, je fais le lèche, pas de blues. Lèche, pas de blues, je fais le lèche, pas de blues. Lèche, pas de blues, je fais le lèche, pas de blues. Lèche, pas de blues, je fais le lèche, pas de blues. Oui, monsieur, mais là, il faut le générique parce qu'il va se payer. Ben voyons donc, qu'est-ce qui va se passer après? Ah, ça, c'est une autre histoire. Et pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Oh, ça a un sens, ça a un sens, tout a un sens, comme disait l'ischizophrénique. Bon, silence. Ready when you are. Non, ça, c'est la fin. C'est le 23! Moi, je me fais du cinéma sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma et je t'emmène au cinéma. Merci Claude. Normalement, bon, pas normalement, mais dans cette section-là, c'est soit un film, mais j'ai aussi éclaté cette version-là en relatant un événement, un texte que j'ai écrit, que j'ai pondu. Et j'y vais. Je le surnommais mon cercueil à deux roues et c'est lui qui s'incinéra. À la fin de mon quart de travail, j'ai décidé de me rendre à la pizzeria près de chez moi. Alors, j'enfourche mon scooter et quitte le boulot pour le restaurant. Une fois là-bas, je commande mon repas en spécifiant que je ramène le tout à la maison. Alors, je regarde le menu et tout à coup, j'observe mon scooter. Il était en feu. Une perte totale. Le restaurateur m'a remis un extincteur d'incendie pour éteindre les flammes. Résultat, j'ai payé ma pizza 10$, plus la poudre que j'ai utilisée pour étouffer le feu 50$. Un début de fin de semaine baroque. J'ai hâte de voir et d'entendre la suite. Bon, silence. Ready when you are. Bon, silence. Silence. Philippe, tu es prêt? On est prêt? Oui, monsieur. Moteur. Moteur demandé. Ça tourne? Cadré? Oui, monsieur. Ça tourne. Action. Cinéma. Monsieur le Président, Messieurs les patrons catholiques, Mesdames les voluptés, Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attention, ça c'est important. Là. Attention. Facebook. Tu connais Raymond de Facebook? Facebook. Ouais, mais il y a Face aussi, il n'y a pas juste Book. Elle est toujours sur le Book. Elle, oh, elle c'est une grande lectrice en lecture. Comment tu me dis? Elle pense au sexe, là. Ah, oh, Shakespearean. Shakespearean. Shakespeare. Oui. J'impire et j'expire. Arrête de me parler sur le gorgoton, toi, là. Je divulgue ça à mon public. À mon microcosme de public. J'inspire. William, Monsieur William, j'inspire et je Shakespeare. Oh, j'inspire et je Shakespeare. J'inspire et je Shakespeare. J'inspire. Non, mais quand tu l'as, là, quand tu as trouvé la consonance, tu le répètes. Hein? Tu te dis, hey, je suis pas un imbécile, hein? Je suis pas un imbécile, moi. On apprend ça à des oiseaux qu'on appelle perroquets. Ah oui, répète. Combien sont ces six ou six sont six? Ah ouais? Combien sont ces six ou six sont six? C'est un perroquet que tu m'as acheté, mon Raymond? Ça fait penser à ton ancienne femme. Ça comprend rien puis ça dit rien. Bon, tu fais ça avec ton oiseau. Bon, là, non, on va le finir. Hey, attends un peu, là. Dans 10 jours, on va le finir dans le chaudron. Avec un peu de citron et beaucoup d'amour. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'est ouverte. Hein? Pardon? Ouverte. Dans le sens de fermer, mais le contraire. Nous marchons. Non, mais faut suivre le train. Moi, là, je cours depuis. Je t'ai soufflé. Ah, mon Dieu. J'ai le cœur qui marmelote. Marmeloté. Dans le dictionnaire, marmeloté, c'est pas encore. Non, c'est comme turluté, mais c'est marmeloté. Faut le dire en même temps, hein? Marmeloté. Ça prend une langue pour dire ça, là. Marmeloté. Pas marmeloté, marmeloté. Entre guillemets, mais ça, des guillemets. Quand tu sais pas écrire, ma petite championne, à l'université, tu commences ton texte avec des guillemets, tu finis en bas avec des guillemets, et elle peut pas te mettre de faute. Elle peut pas te mettre de faute. Parce que c'est pas... Pourquoi on peut pas mettre de faute, non? Je le savais, c'est une réplique que je savais il y a quelques années, mais je m'en semence moi-même, je le sais, c'est pour ça que je deviens sourd. Arrête de t'en semencer, voyons donc, cultive-toi! OK. Nous marcherons ensemble, nous défraîcherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinéraire engagé aujourd'hui. Le 23 décembre. Je suis heureux, moi. Je suis comme un chiot qui court après sa queue. En fait, pendant toute ma vie, j'aurais couru. Je veux sur mon épitaphe qu'on indique, il a tout le temps couru après sa queue, point. Que tout l'imaginaire d'une société s'arrête là-dessus, puis qui vit visuellement. On n'a pas venu là à Québec. Québec. Quoique, j'aimerais. Exact. Fusil. Bonne idée, ça. Je viens d'avoir une idée en parlant. Ça arrive-tu souvent, ça, madame? Boris Bergman. 23 décembre, Boris Bergman. Là, j'ai fait un saut. J'ai sursauté. Quand j'ai pris connaissance, parce que c'est tu rencontres, tu connais le personnage, tu connais l'œuvre, tu connais tout, mais lorsque tu t'arrêtes sur l'âge, il est tellement d'avant-garde qu'il ne fait pas ses années. Alors, il est d'origine russe, né à Londres, le 31 août, je dirais pas l'année. Ben, allez voir. C'est un parolier, écrivain, acteur. Jésus de Montréal, Denis Arcand, il a un rôle dans ce film. Nous en parlerons cette semaine ou la semaine prochaine, parce que je lui consacre 2 semaines, mais j'aurais pu lui consacrer 1 année entière, au même titre qu'Arthur H., au même titre que tous mes invités que j'ai la grande chance de rencontrer. Et surtout, eux, ils ont la grande gentillesse d'accepter. Il est notamment connu pour être le parolier des premiers succès d'Alain Bachung. Mais il y a bien d'autres choses derrière et il y a bien d'autres choses après ça. Et ce que j'aimerais ce soir, c'est de vous le faire connaître. À l'endroit où j'étais, dans un environnement, un café, je me suis déplacé. Je n'étais pas sur la rue des Abbesses pour lui. Mais quand même, on y était dans le 18. Donc, dans l'arrondissement dans lequel je cogite lorsque je fais mes passages là-bas. Là, mes passages, j'ai dit, Raymond, fais-moi ça en bois franc. Soyons honnêtes. Couvre-moi ça de sauce à spaghetti parce qu'il faut que je vous... Avant de passer à ma rencontre de Boris Berman, j'ai rêvé, il y a quelque temps, que mon plancher était hanté ou mon plancher était possédé. Donc, pour le rendre comme il était, c'est-à-dire sain, c'est un rêve, c'est bizarre, hein? J'ai dû placer de la sauce à spaghetti sur ce plancher et il s'autogénéra. La sauce s'autogénéra. Elle s'autogénère. Et puis donc, on est sorti de la pièce. Et en sortant de la pièce, dans mon rêve, je me suis dit, comme dans mon émission, je ne me souviendrai plus de ce qui s'est passé avant. Et là, il y a un de mes personnages que je nommerai pas pour la garder anonymous prépus, qui refit surface à l'endroit où le plancher était, disons, satanique ou possédé. Et elle s'est rendue compte que la sauce à spaghetti s'était égalisée et que j'avais un plancher tu racontes en possession de sauce à spaghetti? Exactement. C'était tout simplement de la crème tomate, une composition quand même que je fais moi-même à la maison dans des petits pots. Mais là, c'était sur une surface appelée plancher. Ça, c'est mes rêves, ça. Ça faisait partie un peu de mes cauchemars, puisque lorsque j'ai vécu ce phénomène en dormant. Hé, hey, arrêtez-vous, le public s'en va vers là. OK, bien écoutez, pour pas que ça se produise, m'en va vous faire entendre ma rencontre avec Boris Berman maintenant. Ça va pour le son. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Je nettoyais la cheminée de Ramona. Je suis parti avant que la Sénora me dise merci. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Après trois babies, c'est l'heure de me zoner. Demain, j'ai une attaque de train. Faut se préserver si on veut durer. Reste toujours numéro un. Après quatre bébés, qu'est-ce que je vois? Un mot d'adieu sur le buffet. Me faire ça à moi d'habitude quand je rentre. Il n'en paie plus, il n'en paie plus, il n'en paie plus, il n'en paie plus. Je serai toujours cet étranger au regard sombre, un rebelle dans vos villes de contraste. Il n'en paie plus, il n'en paie plus. Après cinq bébés, c'est l'heure de me zoner. Demain, j'ai une attaque de train. Faut se préserver si on veut durer. Reste toujours numéro un. Après sept bébés, ton excuse est floue. Et aller revoir le fils du chef. Me faire ça moins d'habitude quand je rentre. Tout est sec. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. D'accord, ok, je t'embrasse. Pardon. Ça va? Ça va bien, vous? On se tutoie. Oh, mais c'est le côté archaïque avec le nouveau genre. Le téléphone. Bah ça c'était un cadeau de ma kiné. Okay. J'en avais un autre noir, un peu plus discret. Celui-là c'est plus le spécial Vatican, je crois. Non mais c'est plus facile quand on veut recréer. Non, puis j'entends mieux, puis c'est mieux pour les. Alors Boris. Les Français découvrent les Kills. Écoute, au moins ils vont connaître. Ils vont connaître. Non? Je suis désespéré. Ah oui? Parler français? Ça va, maman? Ah oui? Je me désespère. Comment ça? Bah, j'ai fait une radio qui s'appelle Radio Néo, qui est un peu une radio, voilà, un peu rock, un peu branchée. Et la fille me dit, mais. Parce que j'avais fait des adaptations de Gainsbourg en anglais. Oui, on va. Et. Une de mes versions préférées était la version de la chanson de Slogan qui s'appelle Call It Art. Et elle me fait comment on fait pour travailler avec les Kills? J'ai dit à l'époque je travaillais avec les Kills, personne ne les connaissait à part les mecs de Zin Rock qui ont produit l'album. C'est fou. C'est tout. Ouais, c'est fou. Boris? Ouais. Je tiens à te dire que je suis très content de te rencontrer puisque il n'y a pas si longtemps, je tenais dans mes mains un triple CD où on a pigé de ton œuvre. Ben c'est tu veux parler de attends que je l'ai, ah non il est enveloppé. Tu parlais du coffret que, oui. Qui est sorti. En es-tu fier? Comment? En es-tu fier? En es-tu fier? Ah, je m'en rends pas compte. C'est bien moins que les Québécois, je peux parler anglais. Comme disait mon père, j'ai mixed up feelings. Ok, c'est-à-dire? Ben, content de pouvoir mettre le projecteur, le spotlight sur des... Ça marche, là ? Oui. Content de pouvoir mettre le spotlight sur des... sur des chansons qui étaient un petit peu... sur lesquelles les gens étaient un peu passés à côté. Content que peut-être que dans ce pays très manichéiste et schématique, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, ils vont arrêter de mettre Gabi et Vertige de l'amour entre parenthèses, ils vont peut-être mettre d'autres titres. Ça me ferait plaisir, avant de mourir. Mais déjà, il y avait un problème technique énorme, c'est que sur un CD, aujourd'hui, tu ne peux pas mettre plus de 79 minutes. Et par exemple, sur la rondelle consacrée à Bachoum, j'étais obligé, j'avais 95 minutes, j'étais obligé de virer à peu près 15 à 16 minutes. Moi, au départ, je voulais faire un truc chronologique. Simplement pour le dire, sans le dire aux gens, que bien sûr, que quand j'ai écrit telle chanson pour Dalida à 20 ans, j'étais pas le même que quand... Voilà. Parce que ça, c'est revenu tout le temps. T'as écrit pour Dalida ? J'ai dit oui. C'était pas mon truc. Moi, à l'époque où j'ai écrit pour Dalida, j'écoutais Gene Vincent, j'écoutais Buddy Holly, j'écoutais tous les rockers de mon adolescence qui m'avaient pas quitté et que je n'avais pas quitté non plus, d'ailleurs. Mais la bonne femme était formidable, intelligente. Ces femmes dont je dirais qu'elles sont belles de partout. C'est-à-dire que tu as envie de les étonner, tu as envie de leur faire plaisir. Et puis, mine de rien, je lui ai fait chanter des chansons un peu écolo. Son frère, Orlando, m'appelait l'auteur agricole à l'époque. J'ai même fait pour Dalida des paroles françaises sur la chanson des Brigades Internationales, tu vois. Donc, mais c'est vrai que c'est à partir de... À l'époque, on faisait beaucoup d'adaptations. Les Français, ils allaient dans le billboard et le cashbox, ils prenaient les 10 premiers. Alors, on avait même pensé avec un pote à l'époque à faire un faux billboard, un faux cashbox, mettre des titres à nous, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai commencé à... À me retrouver avec le premier album que j'ai pour Christophe en 1974 qui s'appelait Samouraï, qui a été le numéro zéro. Bon, avant j'ai le brouillon, mais ça le fâche lui, qui a été le brouillon de tout ce que j'ai fait avec Bachoum pendant 10-15 ans, même 20. Mais avant de parler de Bachoum, avant de parler de tous ces gens-là, tu es d'origine russe. Oui. Ah ouais. Mais. En Angleterre. Oui. Ouais. Comment ça se... Bah, tu sais, à l'époque, pour les juifs russes, il n'y avait pas 36 solutions. Ou tu allais comme un de mes cousins à Shanghai, parce que tu n'avais pas besoin de visa. Tu allais en Australie, parce que tu n'avais pas besoin de visa. Tu allais en Afrique du Sud, parce que tu n'avais pas besoin de visa. Tu allais à Cuba. Et puis, de temps en temps, de Cuba, tu pouvais aller aux États-Unis. Moi, ma famille est arrivée en Angleterre, après être passée par la Lituanie, la Finlande, où la frontière était assez... Tout ce qu'il fallait pour le douanier, c'était 20 dollars. 20 dollars, et tu vois, c'est... On n'a rien vu. On n'a rien vu, ouais. Vous n'avez pas vu passer une famille de... Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Et puis, mon grand-père avait un faux... C'est pour ça que le visa n'était pas un peu bidon, donc ils sont restés à Londres. Et puis, à Londres, il y avait, comme à Montréal, parce que moi, je les ai rencontrés, une communauté russe vachement importante. Et slaves, enfin, tous les gens qui ont fait le cinéma à l'époque étaient les Korda, Trevor Howard et tout. Et puis, les gens allaient à Golders Green, qui était un peu le Brooklyn, Bensonhurst, Little Odessa de New York. Mes parents se sont retrouvés là. Pour me résumer, si tu veux, pour la faire courte, je dirais que je suis comme Peter Ustinov, sauf que je n'ai jamais fait de publicité pour Aeroflot. Ah oui, ouais. Oh, et là, hein? À 14 ans, tu t'es retrouvé en France. Ouais. Pourquoi? Ouais. Parce que d'abord, on demande pas à un gosse de 13 ans, 13 ans et demi, 14 ans, ouais, ce qu'il veut faire. Ouais, ouais. Mon père travaillait pour une compagnie anglo-américaine. Okay. Que je peux citer, qui s'appelait la Georgesma International. Société de management. J'ai appris quelques années plus tard, après la mort de mon père, que Georges May était le frère de Joe May, qui était le comptable d'Al Capone. Okay. Ai-je besoin d'en dire plus? Oui, c'est ça. Et voilà. Mais qu'est-ce qui t'a amené à rester ici? J'ai continué à partager ma vie entre Londres et Paris. Évidemment, quand je voulais aller écouter du rock, j'allais à Londres, j'allais dans les pubs. Avec quelques groupes que j'aimais, qui étaient moyennement connus ici. Mais tu rencontres à travers ta vie des chanteurs, des chanteuses que toi t'as rencontré ou que les gens t'ont fait rencontrer? Eva, comment ça s'est passé? Est-ce que tu... Oh, Eva, c'est très facile. J'avais un cousin très très éloigné qui s'appelait Michel Bernolc, qui a été l'homme qui a fait toutes les... qui était un ancien pianiste classique génial, qui a fait toutes les orchestrations pour Michel Berger, pour lui, pour Véronique Sanson. Il accompagnait à l'époque Eva et il accompagnait aussi un chanteur de variété. Et je lui ai dit, dis donc, mais fais-en autant. J'ai fait un texte, on a fait une chanson ensemble. Eva l'a enregistré. Et puis après, j'ai fait Rain and Tears, qui a été la chanson qui a tout déclenché, quoi. We'll be right back. Schauspieler. Spiel mich an die Wand. Kinder, Schwindler, wie viel? Geiner, Zigeuner, wie viel? Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte nur ein Bier. Spiel mich an die Wand, du alter Schauspieler. Spiel mich an die Wand. An die Wand, du alter Schauspieler, spiel mich an die Wand. Kinder, Bilder, Berlin, Augen, Augen, zu viel, Feinde, Feinde. Spiel mich an die Wand, du alter Schauspieler. Spiel mich an die Wand. Spiel mich an die Wand. Du alter Schauspieler, spiel mich an die Wand. Schauer, Spieler, wie viel? Beine, Beine, zu viel. Stop the drop me off here. Why's that too long in my back? présenter ou que tu écrivais sans même discuter avec eux? Non, c'est-à-dire que moi je travaillais avec un éditeur qui est devenu un gros éditeur au Brésil qui s'appelle Joel Leibovitz. Et son frère est rentré comme éditeur chez Philips. Il connaissait. Il savait que j'étais aussi anglophone. Il y avait un groupe qui s'appelait les Aphrodite Child avec Vangelis qui n'avait pas réussi à avoir leur H2 visa, c'est le visa dont tu avais besoin à l'époque pour se produire en Angleterre et dont à mon avis les gens vont avoir besoin très bientôt. Il m'a dit écoute, viens demain matin au bureau rue Jenner à côté des studios d'où Jean-Pierre Melville, que je voyais, chaque fois que j'allais là-bas avec son grand Stetson. Et c'était vachement tôt le matin, j'étais une chambre de bonne. Et j'avais pas vraiment l'intention d'y aller pour te dire la vérité. Mais j'ai ma blonde qui venait me réveiller gentiment, donc ça stimule. Je me suis dit, bon, réveiller pour réveiller, autant y aller. Ils m'ont enfermé dans un bureau. Je ne suis ressorti que lorsque j'ai publié le texte sous la porte. L'après-midi, on a enregistré un studio en démolition avec un... Moi, je cherchais l'orchestre partout, puis il y avait Vangelis, Vincent Mulotte. Et la chanson a été lancée avec les premiers pavés de 1968. J'ai pu le dire à Cohn-Manit, on était dans son centre. Ce que je voudrais qu'on fasse, est-ce que tu veux pas qu'on commande aussi à manger? Non, mais toi, t'as mangé? Non, j'ai juste pris des asperges, c'est tout. Ok. Ben, moi, je vais boire, là. Manger peut-être pas. T'as pas envie de manger? Non. Ben, toi, si tu veux manger, y a pas de problème. Hein. Mais vraiment, prends un truc. Ben, je... Franck, tu me fais une salade César. Tu veux pas un petit truc? Ben, moi, je vais boire un truc, oui. Si tu veux une bière, une... Je sais pas, il veut pas manger, lui. Moi, je pensais que tu mangerais. Ben, c'est pas grave, hein. C'est pas tu veux grave. Une bière? Non, parce que le décalage horaire, donc je ne veux pas... Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre une limonade. Avez-vous de la limonade? Oui. Limonade bio, c'est bio ici, en plus. Parfait. Et qu'est-ce qui t'a fait rencontrer Richard Anthony? Alors ça, c'est différent. Après, tu veux... Comme j'écrivais qu'en anglais à l'époque, j'étais très étonné. Orlando m'a appelé pour faire au départ l'adaptation de Rain and Tears. J'ai fait une autre chanson avec Bernolk. Et puis t'es sûr tu veux pas manger un petit truc? Ça allait peut-être l'occasion. Donc il m'a appelé à l'époque, je me rappelle. Donc, je commençais un peu à chuchoter mon nom, quoi. Et il m'a appelé pour faire l'adaptation de Maggie May de Rod Stewart. Ok. Ça a été mon premier contact avec lui. Et en fait, c'est des gens qui t'ont amené à rencontrer d'autres personnes. Ben c'est tout ça. À l'époque, les gens venaient beaucoup chez les éditeurs. Il y avait beaucoup d'adaptations. Il n'y avait pas... Il y avait beaucoup de maisons de disques. Les gens me disent toujours « Ah, oh, t'en as fait beaucoup. » Non. Il y avait 15, 16 maisons disques, plus les éditions qui produisaient des artistes. Enfin, c'était un peu... c'était un joyeux Babel, quoi. Donc après, non, moi, ça, c'est bien tombé, parce que j'avais... j'étais assez timide, je crois que je suis resté encore un peu aussi. Donc c'est les gens qui m'appelaient. Et puis, comme je travaillais avec Frédéric Leibovitz, qui avait ses bureaux chez... Au départ, j'ai travaillé pour les débutants, puis au fur et à mesure, un jour, des directeurs artistiques qui s'occupaient de gens aussi prestigieux que Nana Mouskouri, comme André Chappelle, etc. Et tout m'ont demandé de faire des adaptes de protest singer. Moi, j'avais fait beaucoup d'adaptations de Woody Guthrie, Pete Seeger. Je suis content, c'est moi qui ai fait connaître Woody Guthrie en France. Ces andouilles, ils ne connaissaient même pas. C'est quand même assez incroyable que personne ne la connaisse. Hein? Personne ne connaissait ça. Non, mais non. on ne va pas s'attarder sur le sujet, je vais avoir de la peine. Vous ne connaissez même pas Buddy Holly. Non, je me fais du mal, là. Je me fais du mal, j'arrête. France Gall, est-ce que c'est à travers Michel Berger que tu as commencé? Non, c'est... Michel Berger, rien à voir. Non, c'était avant, bien avant Michel Berger. Oh, ok. J'ai d'abord fait une adaptation d'une chanson, je ne me rappelle même plus du titre original, qui s'appelait Les Années Folles, qui était sur un vieux modèle de peintre qui traînait dans Montmartre, qui avait été une splendeur, qui avait été le modèle plein de peintres, et qui était carrément homeless, quoi. Et à la suite de ça, j'ai travaillé avec Hubert Giraud, hein, le fameux Hubert Giraud, le mec qui a fait Sous le ciel de Paris et Mamie Blue, qui était un peu mélodiste, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est un mélodiste génial. Mais malheureusement, quand il est mort, les médias n'ont pas trop parlé. Alors ça m'a bien énervé. Parce que ce mec, il a fait comme Sous le ciel de Paris, blablabla. Il a fait Mamie Blue, il a fait L'enfant et la gazelle, il a fait La tendresse. C'est un standard. Et il était très malheureux, parce que personne ne savait. C'était un peu comme Happy Birthday, où tout le monde croit que c'est un folklore. Sans savoir que c'est deux vieilles Irlandaises qui l'ont écrit. Lui, il était de Marseille et personne ne savait que pour faire une bonne bouillabaisse, pour se lever le bon matin, préparer la pastis et l'eau fraîche. Ah, que c'est bon, la bouillabaisse. C'est de moi. Il était mignon. Ce mec a fait des chansons. Et il était incroyable. Incroyable. Il est mort inconnu. En Suisse, oui. C'est comme ça. Comment Gréco a frappé à ta porte? Alors, Gréco, ça s'est fait par le biais de l'éditeur, Génère Musique, Frédéric Lebovitz. Tu l'as rencontré? Oui, bien sûr, je suis allé chez elle. J'ai cassé le vase du Tintin Lotus Bleu. Ok, ah oui. Et elle a quand même enregistré la chanson, ce qui prouve qu'elle n'est pas rancunière, ou qu'elle n'aimait pas le vase. Oh, peut-être, ouais. Et comment c'est de travailler avec Gréco? C'était ces années folles. C'est tout simple, tu parles avec elle. Ça. Ouais. Tu lui montres la chanson. Je veux bien un petit peu de parmesan avec. Elle est déjà dedans? Normalement, il y en a dedans. Oui, je vais me mettre en colère. Faut pas. C'est bon. Gréco, comment c'est travailler avec cette femme-là? J'étais pas en studio, mais on lui a montré la chanson avec Maurice Dulac. Elle l'a enregistrée. J'ai fait une autre chanson après, avec la belle-mère de Maurice Dulac, qui a fait musique feuille de tabac. Qui s'appelait Florence Véran. Celle qui a écrit Joël et Dimanche pour Aznavour. Gigi, qui s'appelait Le Roi Misère, chanson inspirée des contes de dessin d'Isaac Babel, et puis voilà, et après... Mais moi, j'écoutais tes chansons, je lisais un peu la vie que t'as menée durant jusqu'à aujourd'hui, et tu as vécu 1000 vies. En 69, voilà. Michel Fugain, c'est fou. Ah non. Non. Michel Fugain, c'est une erreur de Wikipédia. J'ai jamais écrit un texte pour Michel Fugain. Ah. Puis tu ne l'as pas... J'ai corrigé, mais il y a un mec qui a corrigé derrière. Ah, mais quand? Ah, c'est fou. J'ai compris que ça ne servait à rien. Okay. Hubert Félix Stéphane, qui est un ami, m'a dit « Ils me font naître à Dijon. » Je corrige, il y a un mec qui... C'est mieux que lui, vous voulez. C'est français, ça. Non, j'ai jamais écrit pour Fugain. Ton palais, c'est trois bouts de tôle, deux planches de bois. Un paradis de bidonville qui s'appelle Favela.

same, and I'm a lover all the way. That's how I am anyway. I'm a sucker for romance. I got no title, I got no bills. All I got are my kicks for you. Sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Reynald Gagné. It's all over, baby. C'est comme ça, c'est fini. I've got to go. Nous tous, c'est fini. I've got to go. Nous c'est bien fini. Il faut se quitter. Nous tous c'est fini. Baby, how can I tell you? The vacation is over. La cama, the horses, le soleil a fait sa valise. C'est fini. Je sais ce que tu pourrais penser. Ah, l'Américain s'est payé 3 semaines de vacances avec la jolie Française. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que tu ne peux pas vivre où je vis. Sweetheart, Manhattan, c'est pas la Camargue. Le soleil est harissé, caché. Il n'y a pas de vent, souvent les fumées des voitures. Elle est ici, ta vie. C'est mieux comme ça, hein? Yeah, nous deux, c'est fini. C'est vraiment fini, chérie. Si ça durait encore. Yeah, it couldn't work, kid. Nous deux, c'était vraiment bien. C'était mieux que bien. Je dois partir, sorry. Et si ça durait encore? I've got to go. Nous deux, c'est fini. I've got to go. Tout c'est fini, il faut se quitter. Nous deux c'est fini. Listen beautiful, I'm gonna say it once more. Je t'aime, mais il faut que je parte seul. I'm leaving here, baby, alone. Pourquoi? Pourquoi? Parce que où je vais, les soleils sont faits de... How the hell do you say neon, baby? Néon. Neon, les fleurs sont de... Concrete. Béton. And you want to live in a plastic cage up on the 40th floor? Avec toi, je peux être libre n'importe où. But I do care, baby. And I say, it's finished. C'est fini. Tu additionnes, tu multiplies les petits câlins anonymes. Et les cartouches tout en douceur, mélusine. Si tu savais ce qu'il

les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne. À la fin de l'été, elles en iront en fumée. En 73 et en 75, tu as écrit pour l'Eurovision. C'est possible. Oui. Salut. Ah bah. Deux chansons. Mais c'est pas la même année, hein? Non, en 73 et en 75. Et quelques années plus tard, Nicole Martin, chanteuse québécoise. Ouais. J'adore. Oui. Tu lui as écrit une chanson qui s'est rendue très très loin. Une chanson qui lui a donné plusieurs prix. Ah bon? Oui. Le prix de. Le premier prix de la chanson française au Québec. Ah ben qui me l'apprend, j'ai jamais su. Ah, ok. C'est en 74. Nicole Martin. Et tu as adapté aussi une chanson mythique, d'un film mythique, Le Parrain. Par le plus bas. Alors ça, faut quand même savoir que le texte français a précédé le texte anglais. Ok. Andy Williams était marié à Claudine Longet, française, et il a demandé à ce que la chanson soit en français. Et c'est toi. Ouais. C'est bien tombé. En France, croyant que la chanson était dans le film, tout le monde l'a enregistrée. Mais tu sais que Luc Plamondon, qui est un grand travailleur québécois, okay, s'énerve beaucoup et avec raison. Puisque il y a des chansons que l'on écoute sans savoir que c'est Monsieur X, Madame Y qui l'a composé. Il y a des gens qui m'ont dit ah, j'ai entendu la version espagnole de La Foule. Non, c'est une chanson cubaine. Okay. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être le manque de culture. Manque de curiosité. Ouais. Excuse-moi, mais même le producteur exécutif des Gainsbourg en anglais, qui était un membre des Inrock, un jour il m'a téléphoné, il m'a dit « Boris, ce serait bien que tu fasses une adaptation anglaise de Vieille Canaille. » Timothée, Vieille Canaille, chanson américaine, c'est Old Rascal. Ah, c'est Gainsbourg qui fait l'adaptation. Non, c'est pas Gainsbourg qui a fait le texte, c'est Jacques Plante. Et tu disais à propos de Vachon, c'est que tu n'écrivais pas avec mais pour Vachon. Ouais. C'est-à-dire que les gens s'imaginaient que. Bon, alors. Oui, ok, on y va. En gros, pour la faire courte. Oui. Il y a ceux qui croyaient qu'Alain écrivait tout. Il y a ceux qui avaient intérêt à dire qu'Alain écrivait tout. Et après ma séparation avec Alain, quand Alain a travaillé avec Gainsbourg en co-auteur, puis avec d'autres en co-auteur, ils ont voulu faire d'Alain un auteur-compositeur. Ce qu'il n'était pas à l'époque. Et ça ne le dérangeait pas du tout. Hein. C'était un très bon producteur au sens anglais du terme, très bon producer, très bon chanteur. Et d'ailleurs, grâce à ce coffret, ils ont retrouvé, entre guillemets, des interviews d'Alain où à aucun moment il a une présomption d'être parolier. Les enfants du rock, lorsque tu travaillais dans le Velvet Underground, la chanson Velvet Underground de Rio Grande. Velvet Underground, oui. C'est exactement. voyais que le duo que vous aviez, la complicité que vous aviez ensemble était quand même assez extraordinaire. Oui, on a écouté les mêmes choses quand on était adolescent. Lui est alsacien d'adoption. Excusez-moi, je parle à bouche pleine. Non, non, on le voit pas. Oui, mais ça peut peut-être s'entendre. Ben non. Donc, si tu veux. Quand tu vas à Strasbourg, si tu entends un mot de français dans les rues, tu m'écris. Donc, lui écoutait les radios des PX américains. Oui. Il écoutait les mêmes radios que les GI. Donc à l'âge de l'adolescence, il a entendu à peu près les mêmes choses que moi. Et ça nous a fait une base commune au départ déjà. Donc, ça va aller là pour le... C'est assez directionnel dans ça? Oui, faites-toi en pas, c'est des micros intelligents, donc il focus sur le son. Ce que je voulais te dire, c'est que, est-ce que ça abuse de travailler avec Alain Bachung? C'est-à-dire que quand tu travailles avec Alain Bachung, tu peux travailler pour personne d'autre en même temps. C'est ça. Il te... Le comte Dracula et lui, c'est la même chose, quoi. Mm-hmm. Bon. Tu ressors exsangue. Et qui a lâché, qui a abandonné qui? Est-ce que ça s'est fait tout seul ou... Ou tu veux pas en parler? On devait faire une télévision dans notre banque qui nous avait vachement soutenus. Okay. La veille, il y a eu dans Libération un article, demi-page à peu près, avec nos photos en médaillon, intitulé L'homme. Bibi, auquel Bachung doit 50% de son succès. Après cet article, je n'ai pas eu de nouvelles d'Alain pendant 2 ans et demi, 3 ans. Okay. Comme on dit à Euronews, no comment. Ouais. Et avant sa mort, est-ce que ça s'est... Non, mais après... 2 ans après, on s'est retrouvés. Okay. Lui pour un clip, le clip de What's in the Bar. Moi, j'avais réalisé un vidéoclip à l'époque. Oui. Laurent Boyer a annoncé le nom du président du jury. Okay. Qui était Jacques Demy. Elle était à gauche, moi à droite. Et quand il a dit Jacques Demy, on a dit tous les deux ensemble, synchrone, sans mousse. Le demi sans mousse. Oh, oui. Et... 3 jours après, il m'a rappelé à Paris, on a fait... On devait refaire... J'avais toujours pensé qu'on avait encore un album à faire, là, on en a fait 2. Dans Pyramide. Non, avant ça, il y a eu Passer Rio Grande. Oui, mais oui. Et oui. Novice. Oui, ah voilà, c'est ça. Mais... Et après Novice, non, je l'ai pas vu. J'ai essayé de le joindre quand j'ai vu qu'il était malade, mais on n'a pas voulu. On m'a pas passé. Ah voilà, on n'a pas voulu te mettre en contact avec. Non, l'entourage m'a. Boudé. M'a laissé de l'autre côté du pont-levis. Mais bon. Mais Boris, je me souviens de t'avoir vu dans Jésus de Montréal, un film de Denis Arcand. Et tu avais un rôle extraordinairement intéressant, un petit rôle. Mais un rôle de méchant, quoi. Mais important, oui, important. Et comment tu as rencontré Denis Arcand? Comment ça s'est fait? Mais les bretelles aussi, quel style, hein, les bretelles, là. Vraiment, ça a relancé la mode des bretelles. C'est vrai, non? Oui. Oui, ça a relancé la mode des bretelles. Est-ce que tu te souviens que tu fais comment t'étais bien? Oui, oui. Voilà. Mais t'étais en bretelles? Voilà. Oh, j'ai relancé la mode des bretelles au Québec, en ça. Écoute, je veux dire. C'est une poupée, rien qu'une meuf. Je te dis qu'elle est enlevée comme un pneu neuf. Elle m'apprend à aimer et à voir. Elle a 17 au compteur. Tu connais le tarif, les soirs de chaleur. Elle m'apprend à aimer. aimer et avoir. Elle partira un de ce soir, si le prospectus ça disait provisoire. Elle m'apprend à aimer. Les gosses chantent dans les caravanes, les pédalos vont attaquer nos femmes. Elle m'apprend à aimer et à voir. Je vois des bas qui filent toute allure, des paires de lunettes qui changent de monture. Elle m'apprend. Plus jamais être un fan. Mon applaudimètre est en panne. Des fois j'écris, je m'envoie des vannes. Excuse-moi, partenaire. C'est une poupée, rien qu'une meuf. Elle est mal, c'est que je vais bien, parce qu'avant, attention, je chantais plus rien. Elle m'apprend à aimer et à voir. Je pourrais jamais plus être un fan. Mon applaudimètre est en panne. Des fois j'écris, je m'envoie les vannes. Excuse-moi, partner. Je pourrais plus jamais être un fan. Mon applaudimètre est en panne. De pleurer, tu as bien le temps. Tu sembles avoir très peur de l'orage. J'en avais aussi peur à ton âge, mon enfant. Mais si tu me prends par la main, tout sera bien, on le sera décent. Et si tu me Si tu me prends pas. faisait l'arc-en-ciel d'un ciel de pluie sans soleil. Tu souris, mon fils. Mais si tu me prends par la main, mon fils, je me prends pour le soir descend. Et si tu me prends par la main, mon fils, mon enfant, tout ira bien. Errance Rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Dalmy. Try to think her world in a burned down land that the beggars call salt and sea. Figure out a man that has grown so old that he should now bend salt and sand. Figure out a voice that would pierce from all heavens. Egypt, make your choice, or you will feed the ravens. There's no stuff, there's no rain. A temple facing the sun, shining as a scar, salt and sand. Try to mind God's words in joining your hands, in joining your hands, salt and sand. And from outer space, we'll be back in Gomorrah. He'll cover his face by handing you the Torah. There's no stuff, there's no rain. When God's ruling the land, it's salt and sand, salt and sand, salt and sand, salt and sand, salt and sand. Ba ba ba ba boy, ba ba ba ba boy, ba ba ba ba. Ba-ba-ba-boy, ba-ba-ba-ba-boy, ba-ba-ba-ba-boy, ma-dia-dia-dia-ba-ba-boy. La-ba-ba-ba-ba-ba, ba-ba-ba-ba-ba-ba, ma-dia-dia-dia-dia-dia-ba-ba-boy. Café désert. fait l'égard. Comment faire pour se retrouver demain? Désir fou que rien ne chasse.